Mosaïque. Bonjour, fidèles de la radio Isanganiro, bienvenue dans l'émission Mosaïque. D'après plusieurs études, le sous-sol burundais est riche en minerais. Des petites exploitations dominent le secteur à côté de nouvelles sociétés à capitaux mixtes. Les minerais sont des matières premières qui, pour bon nombre de pays, font rentrer de devises, surtout dans les pays en voie de développement comme le Burundi. Dans un document de la Banque mondiale qui date de 2017, on estime que les minerais représenteraient 10% des recettes des exportations burundaises. Plusieurs initiatives sont mises en place en vue de réglementer le secteur minier au Burundi. Cependant, rares sont les informations qui filtrent quant à l'exploitation de cette richesse nationale, au point que certains puissent se poser plusieurs questions. Y a-t-il vraiment des ressources minières dans le sous-sol burundais? Les minerais du sous-sol burundais sont-ils exploités? Où et par qui? L'exploitation des minerais est-elle réglementée? Y a-t-il une incidence sur la gouvernance politique? Que représentent les minerais dans le budget de l'État? Quels défis rencontrer dans ce secteur? Que faire surtout pour que les minerais burundais puissent contribuer dans le développement du pays? Voici les quelques interrogations et bien d'autres qui feront objet de notre débat Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes avec quatre invités au studio. Ambassadeur Willy Nyamitwe, conseiller principal à la présidence chargé de la communication. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, je salue les auditeurs, je salue aussi d'autres intervenants ici présents et je souhaite à tout le monde meilleurs vœux pour cette année qui s'annonce. Merci, je dis également bienvenue à Simon Bizimungu, député élu au sein de la coalition Amizero ya Barundi. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci et bonjour, je salue les auditeurs et tout Burundi qui nous écoute. Nous invitons également au plateau Faustin Ndikumana, représentant légal de Parole et Action pour le Réveil des Consciences et Changement des Mentalités, PARSEM. Merci pour avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci pour nous avoir invités. Nous accueillons également Olivier Mounouziza, secrétaire exécutif du parti IPRONA, en même temps porte-parole de son parti, également géologue de formation et ancien employé d'une société minière établie au Burundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour le journaliste, je suis le secrétaire général et pas secrétaire exécutif du parti IPRONA. Merci. Pacifique Chubahiro est à l'animation de Mosaïque d'aujourd'hui. Jérôme Nyonzima assure la réalisation. À la technique, Séraphine Hakizimana. À vous tous, à l'écoute de cette émission, nous vous souhaitons encore une fois une bonne Mosaïque. Réception. Sans tarder, Olivier, vous êtes géologue avant d'être politicien. Est-ce que le Burundi dispose des ressources minières? Merci de me poser cette question. Évidemment, je suis géologue, mais aussi même tous les Burundais peuvent s'informer auprès du ministère de l'énergie et mines. Au Burundi, il y a de la matière première, surtout les minerais. Et les minerais que je peux énumérer ici, il y a d'abord le minerai souvent parlé au Burundi, qui est le minerai de nickel, qui se trouve effectivement sur le site d'Omsongati. Le site d'Omsongati, on y trouve à peu près plus de 180 000 tonnes de minerais avec teneur à peu près de 1,62%. Il y a aussi le minerai de nickel qui se trouve à Nyabikere. On estime à peu près de 46 000 tonnes avec teneur de 1,45%. Et il y a aussi le site de Ouaga qui se trouve avec des réserves à peu près de 35 000 tonnes avec les teneurs de 1,38%. Ce sont du nickel. Vous voyez que pour le nickel, on a beaucoup de sites. Mais on peut c'est pas encore exploité, mais on a déjà terminé les études. Même les études de faisabilité. Mais aussi, on trouve le minerai de vanadio. On le trouve à Mukanda Buhoro, où on estime à peu près les réserves de 11 000 tonnes avec teneur moyenne de 0,6%. Et ça a été effectivement étudié en 1979 jusqu'à 1984. Peut-être on peut améliorer et voir qu'il y a beaucoup plus que cela. Ce sont des estimations. Mais aussi, il y a de l'or. De l'or qui se trouve partout, presque à la région de Mwabai, à Muyinga, à Butihinda. Omnitruva Chang Zoruyigi, mais aussi à Tor, à Ruzibazi. Là aussi, il y a des indices qui montrent qu'au Burundi, dans ces régions, il y a de l'or. Il y a aussi les minéraux de cassiterite. Les minéraux de cassiterite et ses accompagnateurs, quand on dit les accompagnateurs, c'est wolfram, c'est colombotantalite, wolframite, colombotantalite, qu'on trouve au nord et au nord-est du pays du Burundi. Ce sont des études qui ont été faites par BRGM et ça montre que le Burundi regorge aussi de l'or. Quand vous descendez dans la région de Matongo, en province de Kayanza, vous y trouvez aussi le phosphate et le carbonite. Les carbonites sont là. Ce sont des minéraux très importants dans la céramique qu'on peut utiliser au Burundi. Aussi, ce sont des minéraux qui sont très importants que le Burundi regorge dans le sol, qui regorge dans le sol du Burundi. Mais il y a aussi les platinoïdes. Les platinoïdes, ça regorge les minéraux qu'on appelle les platines. Et les platines sont très, très... avec le coût élevé ici au Burundi, on les trouve. Ce sont des paragenèses, ce sont des minéraux accompagnateurs de nickel. On les trouve dans les sites que j'ai cités sur le nickel, c'est-à-dire à Musongati, même à Rutovu et Nyabikere. Arrivé en descendant encore, on y trouve les terres rares. Les terres rares aussi sont très très nombreuses ici au Burundi. On les trouve surtout à Gakara, on peut les trouver à Mhinga et Minago. Là aussi, il y a des terres rares. Il y a aussi des minéraux industriels qu'on appelle surtout qu'on trouve dans les roches carbonatées pour la fabrication du ciment. On les trouve à Chibitoke et à Busiga. Voilà, vers la fin, on va y trouver des hydrocarbures. Dans le lac Tanganyika, il y a du pétrole. On peut exploiter et trouver du pétrole. Mais il y a d'autres minéraux que je n'ai pas cités qui se trouvent ici au Burundi. Pour répondre un peu, voilà le Burundi, il y a vraiment des minéraux qui peuvent aider la population burundaise et le pays burundais à se développer. Sur l'échelle géologique, je ne sais pas si j'ai bien utilisé le terme technique, est-ce qu'on peut dire que le Burundi, c'est un pays riche en minéraux ou c'est un pays moyennement riche en minéraux? Comment vous placez toutes ces richesses en termes de richesses géologiques? Bon, au Burundi, il y a beaucoup de minéraux. Est-ce que si vous considérez le Congo qui est à côté, où il y a le scandale géologique, qu'on le dit souvent, est-ce que vous pensez qu'au Burundi, on est isolé? Seulement au Burundi, ce qu'on peut dire, on n'a pas encore fait des études approfondies. Et ce sont des études moyennement qui ont été faites par les colons, les Belges, mais aussi d'autres sociétés qui viennent pour le moment. Mais les indices montrent qu'au Burundi, il y a vraiment le pays est minéralisé. Voilà, tenant compte de l'échelle du Burundi, nous pouvons exploiter les minéraux qui se trouvent au Burundi et se développer sans toutefois se tromper. Merci, voilà, c'est Olivier, géologue, qui, cette fois-ci, qui vient de nous expliquer les richesses dont dispose le Burundi. Ambassadeur Willy Nyamitwe, à qui avez-vous confié la tâche d'exploiter tous ces minéraux? À qui est confiée l'exploitation des mines? Je pense qu'il y a un arsenal juridique autour de l'exploitation des mines. Donc l'exploitation des mines n'est pas accordée ou singularisée à une seule personne, qu'elle soit physique ou morale, mais il y a bien entendu ceux qui ont mené des études qui, dans certaines occasions, ont pu bénéficier des certificats d'exploitation, des permis d'exploitation, et d'autres qui n'ont pas pu poursuivre leur cheminement vers l'exploitation. C'est tout un parcours, mais il y a certaines sociétés qui ont déjà des permis d'exploitation, qui ont déjà commencé, comme à Bujumbura Rural, avec l'exploitation des terres rares. Et aussi, nous voyons dans la Chibitoke, Tanganyika Gold ou à Kirundo, le Nega Holding Burundi. Mais ce sont des sociétés qui sont déjà en train de faire leur premier pas dans l'exploitation. Nous pouvons espérer que le Burundi de demain sera un Burundi prospère par rapport à la plus-value qui consiste par exemple à des emplois directs et indirects, mais également en entrée en devise, ce qui pourra bien entendu contribuer au développement intégral de notre pays. Je me retourne du côté de l'honorable Simon Obizimungu. Vous faites partie de l'Assemblée nationale. Comment vous appréciez les personnes ou les sociétés qui exploitent aujourd'hui les minerais burundais? Quand vous demandez de l'appréciation de ces personnes qui exploitent actuellement les minerais burundais, là, c'est une question qui est attaquée, députée, qui est un peu difficile à répondre, parce que les députés n'ont pas été associés. Si vous parlez de quelqu'un qui exploite, de définir sa qualité, alors que même ces sociétés risquent d'être n'est pas bien connues par tout le monde, là, c'est difficile à répondre. Alors. Mais il y a ambassadeur qui vient de donner des exemples de sociétés qui ont acquis les droits d'exploiter certains minéraux dans certaines localités. Vous n'avez pas eu écho de ces sociétés, vous n'en savez rien absolument. Bon, des échos, oui. À travers les médias. On a eu des échos et on a vu le lancement qui a été effectué par son Excellence le Président de la République avec des sociétés connues, composées par la plupart des cadres étrangers. Moi, j'ai vu des blancs. Et là, je peux dire que ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est que ces minéraux, ce sous-sol burundi qui est riche en minéraux, soit un atout pour tout le monde. Mais une petite précision, même si je ne suis pas chargé de poser des questions, vous ne devriez pas être associé dans l'attribution des permis d'exploitation. Mais on devait être informé, parce que le Parlement, vous contrôlez l'action du gouvernement. Oui. Et si vous dites que vous n'êtes pas informé, il y a eu plusieurs séances de questions orales. Le 11 novembre 2017, le ministre de l'Énergie et des Mines était devant les parlementaires, les députés à l'Assemblée nationale, oui, pour une séance de questions orales. Le 24 février 2017 également, mais aussi le 14 avril 2016. Permettez, ambassadeur, tenant compte de ces rendez-vous à l'hémicycle d'Okigobe, est-ce que vous n'avez pas eu l'occasion de poser toutes vos préoccupations aux ministres concernés? Bon, des questions ont été posées aux ministres concernés, mais les réponses qui ont été données par le ministre, si vous allez sur terreau, si vous allez au sein du ministère pour demander ou voir si ce qu'il a dit à l'hémicycle correspond à la réalité. Quelle était la principale préoccupation par rapport surtout au contrat, par exemple? Au contrat, la principale préoccupation, c'est de connaître comment est-ce que ce contrat est formulé. Est-ce que dans ce contrat, tout Burundais va au moins trouver les dividendes de ces minéraux? Voilà la préoccupation que j'ai comme parlementaire ou député. Je me retourne du côté de Faustin au niveau de Parsem. Voilà, Olivier vient d'énumérer différentes richesses que nous pouvons retrouver dans le sous-sol burundais. Aujourd'hui, il se pourrait qu'il se pose une question de qui ou comment sont exploitées ces richesses. Comment appréciez-vous l'exploitation des minéraux au Burundi? D'abord, l'exploitation des minéraux, vraiment style industriel, l'exploitation industrielle est encore embryonnaire dans notre pays. Ça, c'est une réalité. Mais nous, au niveau de la société civile, nous restons vigilants pour que le Burundi ne tombe pas dans le même travers que les pays qui ont commencé à exploiter ces minéraux depuis le recouvrement de l'indépendance. Mais si vous les visitez, vous constatez médiocrité au niveau de la capacité de ce secteur de créer une dynamique de développement dans ces pays. Nous voulons donner nos contributions par rapport à ça. Donc la première préoccupation de la société civile, c'est la transparence et les pratiques de bonne gouvernance au moment de l'élaboration de la signature de contrat, évaluation de la capacité technique et surtout l'assistance pour que on ne signe pas des contrats déséquilibrés. Il y a la protection de l'environnement, il y a le respect des droits des communautés, il y a aussi le soutien au développement. Donc l'effet des recettes, les retombées des recettes du secteur par rapport au développement durable. Ça, c'est notre première préoccupation. Au niveau de cette transparence, nous disons quoi? Des fois, on a pu constater que plusieurs pays africains ont eu des problèmes liés à la faible capacité de négociation des contrats face aux multinationales bien outillées, expérimentées dans ce secteur, qui possèdent beaucoup de juristes, des hommes expérimentés, quitte à ce que des contrats signés sont déséquilibrés. Il y a l'aspect transparence, d'accord, pour que ces contrats soient mis à jour, pour que les gens puissent les consulter. Mais aussi, il y a la capacité de négocier en bon compte. C'est pour cela que des fois, j'avais constaté que la Banque Afrique de Développement avait promis à certains pays de donner une assistance, des experts techniques qui les aident à signer de bons contrats. Mais si vous permettez, nous avons deux contrats déjà signés pour des sociétés qui vont exploiter de façon industrielle deux catégories de minerais. À votre avis, comment vous appréciez déjà ces deux contrats qui ont été déjà signés? Je ne peux pas dire que je suis expert pour analyser des contrats miniers. Mais ce que je dis, à vous, nous insistons pour que ces pratiques puissent accompagner le déroulement du processus. Cette transparence au niveau même du choix de la multinationale qui doit exploiter ses contrats depuis le permis de prospection, recherche, parce que des fois on dit que celui qui a la permission de recherche, le permis de recherche, ouvre la voie à l'exploitation. Mais il faut au moins que ces entreprises qui viennent soient des entreprises bien expérimentées, parce que dans le code même on précise qu'il faut une capacité technique de la part de ces multinationales. On analyse les CV de leurs experts. Donc il faut aussi que l'organe de régulation du secteur minier ait la capacité technique aussi de négocier, parce qu'il sert d'interface entre le gouvernement et ces multinationales. Il y a aussi l'étude d'impact environnemental de la part du ministère de l'Environnement, parce qu'on a pu constater dans le passé qu'il y a des multinationales qui viennent exploiter dans le désordre. Le pays n'a pas suffisamment de bénéfices par rapport à cette exploitation. Et pire encore, au niveau de l'environnement, après, les terres deviennent impraticables, surtout au niveau de l'agriculture. Ce sont des expériences amères. Nous voulons alors, à partir de ces expériences amères qu'on a connues dans d'autres pays, aider notre gouvernement à mieux faire pour que ce soit au niveau de la passation de ces contrats, que ce soit au niveau de la gestion des recettes, comment les publier. C'est pour cela même qu'on avait invité le gouvernement à adhérer dans l'initiative ITIE des industries extractives, qui invite ces multinationales à travailler dans la transparence pour publier ce qu'ils payent. Parce que c'est à partir de la concrétisation des paiements où on constate réellement, si on analyse la quantité du gisement, comme l'a dit Olivier, et réellement ce que ces entreprises payent, et si le gouvernement s'ouvre à la transparence en montrant aussi ce qu'il reçoit, on dit, à partir de ce gisement, vraiment, après 2 ou 3 ou 4 ans, le contrat est conçu de manière à ce que le pays reçoive une telle somme d'argent. Ça fait être des miettes ou une quantité suffisante. Et après aussi, même si la quantité est suffisante d'argent, il faut savoir comment la gérer au niveau macroéconomique pour que l'argent soit orienté dans des secteurs qui aident le pays à avancer. Il y a des pays qui ont créé ce qu'on appelle des fonds des ressources naturelles, des pays, on a recensé 48 même fonds de ressources naturelles qui aident les pays à mieux gérer ce secteur. Parce qu'il y a des pays aussi qui ont une expérience amère, les recettes minières, les recettes pétrolières reviennent, changement de structure de consommation et de vie, les cours chutes ou l'exploitation en berne et la crise devient grave. Parce que ça n'a pas pu générer les autres secteurs au. Ça a transformé seulement les manières, les habitudes des gens, parce qu'ils disent maintenant on a la manne, il faut bien gérer cette manne. C'est toute une panoplie de conseils ou de mesures qu'on peut donner à la compte du gouvernement pour que ce secteur puisse vraiment être un secteur profitable, même aux citoyens, le plus reculé de la colline. Voilà, vous venez de donner des conseils, peut-être on allait un peu y revenir vers la fin de l'émission, mais comment vous appréciez la manière dont le gouvernement, l'État burundais, réglemente ce secteur? Bon, il y a le code minier qui est déjà là, mais le secteur minier est régi par plusieurs codes, parce que c'est associé à un secteur, je dirais, ça a une dimension multisectorielle. Il y a le code minier, il y a le code des investissements, l'environnement des affaires. Comment est-ce que l'environnement des affaires peut-être attirer les meilleures multinationales? Est-ce qu'on a l'énergie suffisante? Est-ce que le code des investissements peut attirer même les meilleures multinationales? Le code des investissements, code de l'environnement, est-ce que la réglementation de l'environnement a été respectée? Il y a le code des marchés publics, est-ce que la transparence, il y a les règles pour donner et pour gérer tout le patrimoine de l'État, on se fait la transparence, et marché public, ça c'est mentionné. C'est un arsenal juridique avec plusieurs codes qui doit être mis ensemble pour voir si réellement ce sera tenté d'être bien réglementé. Je me retourne du côté de l'ambassadeur. Faustin vient de poser plusieurs inquiétudes. Est-ce que en essayant de réglementer le secteur minier, est-ce que vous répondez à toutes ces inquiétudes? Ce ne sont pas des inquiétudes, c'est des interrogations. Mm-hmm. Ils s'interrogent. Mm-hmm. Parce qu'on n'est pas encore à la phase des inquiétudes. On s'inquiète quand on dit voilà, on est déjà dans l'exploitation et nous ne voyons pas où va cet argent. Et, le peuple burundais n'en est pas bénéficiaire. Mais ces interrogations trouvent des réponses dans l'action du gouvernement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le gouvernement s'est d'abord doté d'un arsenal juridique qui doit régir ce secteur minier. Alors, nous avons un code minier et qui a été longuement discuté. Je pense que aussi certaines organisations de la société civile ont eu l'opportunité d'apporter leur contribution en termes de commentaires, etc. C'est passé par toutes les voies légales autorisées jusqu'à l'aboutissement. Alors, c'est la raison pour laquelle l'État a souscrit à la certification et à la traçabilité des minerais. C'est la raison pour laquelle il y a un protocole contre l'exploitation illégale des ressources minières naturelles. Donc, tout ça, avec la mise en place d'organes qui doivent suivre au quotidien l'exploitation des mines, comme l'Office burundais des mines et des carrières, comme tout un ministère qui est doté de suffisamment d'outils pour en faire le suivi, et toutes ces séances de questions orales pour que aussi les élus du peuple parviennent à suivre et à contrôler l'action du gouvernement. Je pense que les richesses de notre pays doivent être exploité à bon escient afin que le peuple en soit le premier bénéficiaire. Alors, c'est ça qui est en train d'être fait, raison pour laquelle je dis que on n'est pas encore dans la phase des inquiétudes, on est dans la phase des interrogations. Lesquelles interrogations trouvent des réponses dans l'action du gouvernement, et c'est fait dans la transparence. Alors, ce qui s'est passé dans d'autres pays, vous savez que après la guerre froide, la fin de la guerre froide en 1989, et puis le courant de la démocratisation après le sommet de la Bolle, on sait bien que beaucoup de pays sont entrés en conflit armé, ça a fait plusieurs millions de morts, ça a causé plusieurs dégâts dans certains pays qui sont vraiment nantis en termes de ressources naturelles, et le Burundi ne voudrait pas tomber dans ce piège, et le Burundi est en train de tout faire afin que le peuple burundais puisse, in fine, bénéficier de ces ressources minières. Alors, il faut qu'on se dise des choses telles qu'elles sont. Je n'aimerais pas vraiment entrer dans une polémique quelconque, mais je voudrais tout simplement attirer l'attention, votre attention, l'attention de mes interlocuteurs ici, que tout ce que nous avons connu comme crise cyclique depuis les années des indépendances sont forcément liés à ces richesses minières. Raison pour laquelle notre voisin, le Congo, est en train d'être complètement déchiqueté, parce qu'il y a aussi ces appétits exagérés de certaines multinationales ou certaines nations qui voudraient tout simplement asservir certains peuples en leur volant, en pillant leurs ressources naturelles. Alors, le Burundi est sur la bonne voie. Quel que soit ce qui s'est passé, le Burundi a su maintenir le cap, et je pense que nous continuerons à maintenir le cap afin que, comme je l'ai dit, nous puissions, nous tous ici présents et toute la population, bénéficier de la manne qui vient de ces ressources minières. Mais vu les richesses que dont nous disposons, que le Burundi dispose, et vu l'arsenal juridique qui accompagne ces richesses en vue d'une bonne exploitation, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il nous est difficile de savoir les revenus ou le montant tiré de l'exploitation des minerais annuellement? Vous, comme journaliste, peut-être que vous posez la question pour les consommateurs de l'information, mais je suis sûr et certain que vous savez si vous suivez l'actualité au quotidien. Et si vous vous en tenez à ce qu'a dit honorable Simon Bizimungu, je pense que là, c'est son droit de dire que de s'opposer, de jouer la carte de l'opposition. Mais c'est transparent. C'est transparent comment? Je sais que dans son bilan, dans la présentation du bilan de 2016, c'était début 2017, le ministre de l'énergie et des mines a bien spécifié que le Burundi avait bénéficié de 1,1 million de dollars américains qui sont venus justement de ces ressources minières. Alors nous attendons, on est encore au début, nous attendons que le ministère publie aussi le bilan de 2017. Alors l'OBR continue à chaque fois de publier les rentrées, de montrer de la transparence. Les recettes en alors, général. Et si vous êtes intéressé de savoir dans les moindres détails d'où proviennent les recettes, que ce soit du côté du tourisme ou des recettes côté dans le domaine minier ou le café, le thé, c'est des données qui sont accessibles au commun des mortels. Alors, c'est aussi des documents qu'on peut trouver en ligne. Alors, s'il y a des questions orales et des questions et réponses, des réponses qui sont aussi publiées sur le site de l'Assemblée nationale, je les vois aussi sur des tweets qui sont publiés en live sur des réponses qu'ils donnent, des questions qu'ils reçoivent et des réponses qu'ils donnent. Je pense que tout commun des mortels qui s'intéresse réellement au savoir peut glaner toutes ces informations et ne pas dire ici que c'est dans l'obscurité ou dans le noir. C'est vraiment dans la transparence. Donc l'État fait ses efforts dans ce secteur pour être le plus transparent possible. Par tous les moyens qu'il faut, et c'est la démarche du gouvernement, c'est même la stratégie du gouvernement, et vous avez toujours suivi dans les discours du chef de l'État qu'il dit que nous devons suivre au jour le jour, au pas, ce qui se passe dans notre pays, parce que en fin de compte, c'est notre pays qui doit en bénéficier. Alors nous ne pouvons pas tomber dans le piège dans lequel sont tombés d'autres pays, comme l'a dit mon ami Faustin ici présent. Mais si le passé peut nous servir de leçon afin que nous puissions bien organiser notre avenir, eh bien bâtissons notre avenir tout en tenant compte des erreurs du passé, pour que ces erreurs du passé qu'elles aient été commises par nos prédécesseurs ou par d'autres États africains ou autres, que ces erreurs ne parviennent pas à phagocyter ou à mettre les bâtons dans les roues pour que nous puissions poursuivre notre bonhomme de chemin dans le développement intégral de notre nation. Je me retourne du côté de Olivier. Est-ce qu'au niveau du parti UPRONA, surtout en tant que technicien, est-ce que vous sentez qu'il y a cette transparence qui vient d'être évoquée par l'ambassadeur Willy Nyamitwe? Oui, d'abord, avant de répondre à cette question, on l'a dit, la tradition minière ici au Burundi est à la phase embryonnaire ici au Burundi. Parce que pour l'extraction minière de façon industrielle, si je ne me trompe pas au Burundi, ça a commencé par le site de Gakara où on est en train d'exploiter les terres rares. Mais aussi, il y a l'exploitation à Mabayi sur le site de l'or. Là, ce sont des premiers sites, si je ne me trompe pas, qui sont en train de faire l'exploitation de façon industrielle. Alors, les questions qui sont posées ici, si je ne me trompe pas, même dans les différentes émissions, c'est de savoir quel est, dans le budget du gouvernement, quel est le rubrique des revenus de ces minerais qu'on est en train d'exploiter. Alors, en tant que technicien, là, je peux donner une réponse. Vous savez, comme on l'a dit, il y a différentes phases qu'on devrait passer pour arriver à l'exploitation. Bien sûr, il y a des phases qui ont été terminées, qui sont les phases de recherche, de l'exploration. Mais aussi, il y a la phase ici qu'on est en train d'exploitation. Et cette phase est en train de se faire après avoir fait les études de faisabilité. C'est-à-dire, avec les études de faisabilité, je pense qu'on a fait le convention avec le gouvernement en tenant compte de ces études. Et les conventions que le gouvernement doit faire, évidemment, est très important. C'est d'abord la durée de la mine. Quelle est la durée? La site de Gakara n'exploitera ça pendant combien d'années? Ça peut une petite mine, c'est à partir de 10 ans. Tu peux monter même jusqu'à 50 ans. Voilà, c'est ça dans le contrat. Qui détermine le contenu de la mine? Le contenu c'est de la société qui, c'est la société qui fait qui a fait des recherches. Oui, qui a fait des recherches. Alors, dans les études de faisabilité, après avoir étudié, il peut déterminer et dire, voilà la quantité qu'on va exploiter par jour ou par an. C'est cela. Est-ce qu'on ne peut pas minimiser la quantité pour en profiter? On peut minimiser ça. Ça revient au gouvernement de négocier, effectivement. Vous voyez, dans le code minier, il y a le cadre légal. Pour négocier avec le gouvernement, on est toujours dans le cadre légal qui est le code minier. Le code minier du Burundi qui date de 2013, ça a remplacé le code minier de 1976, qui est le code minier et code pétrolier. On a changé seulement le code minier. Le code pétrolier, ça continue le code de 1976. Alors, là, le gouvernement a la part de au moins 10%. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pour moi, c'est pas de dire qu'on a exploité 20 tonnes, qu'aujourd'hui on va avoir de l'argent, parce que ça demande des traitements. Ça peut passer, prendre des périodes. Alors, en ministre de Finances, étant un technicien, il est très difficile de mettre l'objet de fonds qu'il n'a pas encore eu. Mais ce qui nous est essentiel pour nous, c'est de savoir effectivement la quantité, la part du gouvernement. Est-ce qu'ils ont eu 10%? Alors, chaque fois quand on exploite, on peut dire, on a exploité dans cette année 25 tonnes, par exemple, 25 000 tonnes. Alors, le Burundi saura qu'ils ont eu 10% de 25 et on peut calculer sur le marché international la valeur qui revient de la part du Burundi. Alors, comme il est à 10%, la... c'est pas peu. On peut négocier même. On a dit au moins. Au minimum. Mais dans le code minier, on était à moins de 10. Et voilà, les multinationales, au moment où on était en train de changer le code minier, il y a eu des erreurs suite au changement. Les 10%, ce n'est pas moins. Mais on a dit au moins, on peut négocier, aller même au-delà. C'est pour l'intérêt du Burundi. Alors, pour nous, alors, ce qu'il faut faire, il faut suivre Agacar. On a déjà produit combien? Est-ce que comme on peut produire, mais aussi il y a des traitements, il faut faire des traitements pour que le minerai soit vendable. Il faut séparer les éléments qui sont nocifs, exactement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on est en train d'extraire. Mais il y a des minéraux qu'on appelle les minéraux de haute valeur, qui sont coltan, or, on peut extraire et savoir le prix, c'est vraiment très important. Mais aujourd'hui, pour nous, il faut alors que les Burundis, les Burundais suivent effectivement les quantités qui ont été exploitées. Et pour dire que l'année de 2018, parce qu'on a commencé l'exploitation à partir de l'année de 2018, pour moi, il n'est pas tard pour dire qu'au Burundi, on est en train de voler, qu'on n'a pas encore, qu'on ne voit pas les traçabilités, la somme, mais il faut attendre, on va exploiter, faire des traitements, et puis on saura la part. De la part du gouvernement. Alors, il faut être vigilant. Alors, ceux qui doivent être vigilants, il y a des institutions qui sont là. Il y a OBM qui doit suivre. Il y a les membres du gouvernement. Il y a aussi nous tous qui sommes ici. Il faut aussi vous rappeler au niveau de l'Assemblée nationale. Les représentants du peuple doivent suivre à partir des commissions spécialisées, peut-être. Ils peuvent suivre cela et avoir des informations. Je pense que vraiment, ça doit être public. Mais si aujourd'hui, il dit qu'il n'est pas informé, est-ce qu'il n'y a pas un hic par rapport au... Je pense que pour moi, ça sera un peu exagéré. Pour dire qu'un représentant du peuple n'a pas encore eu l'information, ça sera très catastrophique pour le Burundi. Je pense que ces conventions doivent être publiques. Et tout le monde doit savoir la part qui revient au Burundi. Et aussi le Burundi, le gouverneur du Burundi, justifiera même l'orientation de CFO dans la vie quotidienne de Burundais, dans le développement du pays. Cela, ça va aider. Et je pense, effectivement, pour ne pas exagérer, on est au stade embryonnaire. Alors, continuons de suivre et donner effectivement les informations sûres, mais je pense que les représentants du peuple ne sont pas profanes, ils doivent suivre de près pour qu'il n'y ait pas de guerre politique. D'autres choses qu'il peut y avoir, ces multinationales qui cherchent des conventions dans les différents pays peuvent passer même dans les représentants des peuples, dans les partis politiques, pour créer des chaos, dire qu'il rien ne va, pour qu'on change. Mosaïque. L'émission, c'est Mosaïque que nous échangeons sur la gestion des ressources minières au Burundi. Nous sommes avec quatre invités. Ambassadeur Willy Nyamitwe, conseiller principal à la présidence chargée de la communication. Simon Bizimungu, député élu au sein de la coalition Amizero ya Burundi. Faustin Ndikumana, représentant légal de Parole et Action pour le Réveil des Consciences et Changement des Mentalités, PARSEM. Nous sommes également avec Olivier Nkurunziza, secrétaire général du parti UPRONA, en même temps porte-parole de ce parti, géologue de formation et ancien employé d'une société minière établie au Burundi. Honorable Simon, voilà, avec l'arsenal juridique, ambassadeur Willy vient d'affirmer que le Burundi est en train de tout faire pour assurer une transparence dans le domaine minier. Est-ce que vous êtes convaincu? Convaincu, oui ou non? Les deux. C'est bien. Si l'ambassadeur dit que tout est clair, et moi j'ai une question, je me pose une ou deux questions, de savoir pourquoi ces instruments pouvant montrer au peuple comment cette exploitation se fait sont gardés top secret. Parce que si on a, ici on a parlé des contrats, on a parlé des études de faisabilité, on a parlé des études d'impact environnemental. Ce sont ces instruments qui devraient guider tout Burundi qui voulait savoir ce qui se passe. Mais si on dit qu'il y a une convention qui a été signée, c'est qu'il y a un document quelque part. Vous ne l'avez pas physiquement, vous ne l'avez jamais vu. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas transparent? On dit que ces documents existent, mais ces documents ne sont pas à la disponibilité de tout le monde. Si vous voulez au moins voir ces documents et les exploiter, il est difficile de les trouver. Vous allez au ministère? Un député peut aller demander un tel document au ministère et... Mais tout à l'heure, tout à l'heure, j'ai mis dans Google, juste comme ça, ouais. BMM, Burundi, contrat. J'ai vu le contrat sur le site du ministère. Pour le BMM, alors, c'est il a posé, il a émis une réserve. Je prends pour l'exploitation des terres rares, c'est Rainbow Mining Burundi. Je mets dans Google contrat Rainbow Mining Burundi et j'ai le document PDF, y compris les études d'impact environnemental, les annexes, tout ça. Alors, si le contrat peut être téléchargé à partir d'un site web, c'est que ce document n'est pas confidentiel, honorable, avec tout le respect que je vous donne. Même à l'étranger, les gens peuvent télécharger ces documents. Donc, c'est dans la transparence la plus absolue, et je pense que ce sont des documents qui sont accessibles pour le commun des mortels. Donc, c'est une information qui est utile à l'honorable, il pourra visiter l'Internet. Ça, c'est utile à moi, mais un Burundi qui se trouve à Tanguzo, est-ce qu'il va exploiter ces sites web? Lui, il a besoin de ce document physique. S'il peut se rendre au ministère, qu'il dise « Donne-moi ou prête-moi ce contrat pour que je puisse observer ce qui se passe dans l'exploitation minière », il faut que ce contrat soit au moins visible pour que tout le monde... Il pourra passer par votre billet en tant que citoyen. Oui, mais le citoyen de Tanguzo... C'est pas facile à le trouver. Ça lui coûterait cher de prendre un bus et de descendre à Bujumbura et aller au ministère. Il peut juste aller voir un ami, lui dire « Télécharge-moi dans ton téléphone le contrat ». Ça devient... Oui. Ça coûte plus. Qui a la parole. Oui, et ce qu'il a dit l'ambassadeur, il a parlé des recettes minières, que ces recettes sont visibles dans le budget national. Ambassadeur, si vous observez la loi budgétaire 2017, on a eu comme recettes minières aux environs de 7 milliards. Et dans la prévision budgétaire 2018, c'est toujours 7 milliards. Et on se demande, ces minéraux pour l'année 2018 ne porteraient aucun revenu pour le Burundi. Peut-être que Gakara et Abaïno n'auront pas encore donné de recettes. Alors que l'exploitation a déjà commencé. De toute façon, c'est une question que vous pouvez poser facilement au ministre qui a l'énergie et les mines dans ses attributions. Et comme vous avez la possibilité de l'appeler, je pense que c'est dans votre rôle de l'appeler et de lui poser de telles questions. Et attendons qu'il nous présente le bilan 2017. Nous évoluons avec Honorable et puis nous allons donner la parole à Faustin Dikuman. Bon, une autre chose. Frère Olivier, il a parlé de cette production qui ne peut pas être visible directement. Et moi, je me suis demandé si l'exploitation a déjà commencé. Il y a ces minéraux. Non. Dans les terres rares, je sais que j'ai vu sur le site, sur le Twitter, où on disait le premier lot de 25 tonnes, je ne sais pas. J'ai vu tout cela. Mais ce que je dis, c'est la production annuelle. On dit pour la production annuelle, c'est de tel. Alors, le pays doit calculer son pourcentage à partir de son production annuelle. Mm-hmm. Non pas par lot. Production annuelle. Ouais. Mais c'est facile à calculer, je pense. Oui, c'est facile. Mais on est au début. Est-ce qu'on peut calculer la production annuelle alors qu'on est tout juste au début. Mais ça peut se faire. Nous connaissons la quantité qui se trouve. Aujourd'hui, tu peux faire 25 tonnes et demain, tu peux faire 30 tonnes. Alors, ce qui est très essentiel, c'est le pourcentage. Et là, alors, je me dis qu'avec la production, moi, je disais que si nous connaissons la production, sur les 30 ans d'exploitation, par exemple, on peut calculer la production annuelle et connaître combien le Burundi va gagner comme recette annuellement. Mais si vous dites qu'on peut attendre, moi, je me pose la question, attendre jusqu'à quand? Si aujourd'hui, nous disons que le Burundi a une manne, les minéraux, et tout Burundais croyait que demain ou après demain, il va voir les retombées de ces minéraux. Mais si on va attendre, moi en tant que député, je vais me demander la question de savoir quand est-ce que le Burundi va voir les retombées de ces minéraux. Voilà. Voilà, c'est honorable Simon qui reste à sa soif par rapport à la transparence. Faustin Ndikumana, au Burundi, il y a risque que la gouvernance puisse avoir telle couleur ou telle autre du fait qu'il y a cette manne qui est maintenant qui est en train d'être exploité. Oui, il y a la transparence, mais aussi il y a la capacité. Se doter d'une capacité de pouvoir, je l'ai dit, négocier de bons contrats. J'ai dit que ça, c'est une phase très, très importante. J'ai dit que ces multinationales sont très, très, très outillées à savoir comment faire signer à des pays des contrats biaisés, des contrats déséquilibrés. Ça, c'est la première étape. Parce que même si vous rendez transparent, vous êtes en train d'un contrat, mais déséquilibré. Ça prend du temps à vouloir le réviser. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des contrats à signer avec beaucoup de municipalités. Parce qu'un contrat auquel vous vous engagez pour 25 ans, si vous constatez que vous avez fait fausse route, il sera difficile d'aller dans la révision. Ah, c'est ça la première chose. Même si la publication de ces contrats est là, il faut voir comment avoir de bons contrats. J'ai dit qu'il y a des institutions qui donnent des assistances techniques. Par exemple, on dit au Burundi, l'agence de régulation du secteur minier qui doit avoir des experts, des cadres très, très, très compétents qui ont fait beaucoup d'expérience dans ce secteur, qui servent d'interface entre les multinationales et le gouvernement pour le conseiller. Gouvernement, ministre ou d'autres ne sont pas expérimentés dans le secteur. Est-ce que cet organe de régulation, je dis cet organe de régulation a-t-il vraiment suffisamment de compétences pour que le Burundi puisse avoir des contrats équilibrés? Si on constate qu'il y a problème d'expertise, on essaie de faire recours aux experts, même étrangers, avec l'assistance de ces institutions, en l'occurrence la BAD qui offre ces services. C'est dans ce sens, parce que dans ce secteur, c'est un service spécial qui exige beaucoup d'expérience par rapport aux gens qui doivent prendre des décisions. Alors, quand on parle des recettes, il y a la redevance, on parle de taxes ad valorem, il y a les obligations fiscales de droit commun, il y a les dividendes, parce qu'on se dit que si des fois, si la société démarre, des fois on exige 10% de recettes de part de l'État dans l'actionnariat de la nouvelle multinationale, autant de beaucoup d'éléments à avoir. Aussi, quand je parlais du code d'investissement, l'énergie qui doit permettre à ce qu'on exploite finalement des quantités qui tiennent, des quantités substantielles de minéraux. Notamment le nickel qui en attend d'être exploité. Vous savez bien, même est venu. Il a commencé même finalement, ça a terminé en quête de poisson. Je dois dire que c'est un secteur qui exige beaucoup d'investissement, beaucoup d'expérience, beaucoup d'analyse et surtout entouré aussi d'assistance quand c'est nécessaire. Quand je parlais de l'initiative de transport des énergies extractives, c'est une initiative aujourd'hui qui aide les pays justement à publier d'une manière transparente ce qu'ils bénéficient. Et ces multinationales doivent publier ce qu'ils paient exactement à ces pays. Ça renforce cette transparence pour que justement on puisse dire vraiment on a pu gagner par rapport à son compte. C'est là alors quand ces analyses sont faites où les gens par surprise constatent qu'ils ont été leurrés, qu'ils ont été trompés sans la capacité immédiate de réviser ces comptes. C'est un secteur vraiment qui très délicat, qui exige beaucoup de prudence avant de prendre des décisions. Est-ce que le Burundi et ses sociétés ne font pas partie de cette dynamique d'initiative vers la transparence dans les exploitations. C'est ce qu'on encourage. Mmh. Quand on dit que le Burundi s'était engagé à adhérer à l'ITIE, il faut accélérer le processus. Maintenant, ça n'a pas encore abouti. Accélérer le processus, ça aiderait à savoir bien ce que la multinationale de Gakara est en train de payer, est en train de faire par rapport au contrat signé. Ça aide à ouvrir vraiment les gens à la transparence par rapport à ce qui est en train d'être fait. Voilà, on a beaucoup parlé de deux contrats que le Burundi a déjà signé par rapport à l'exploitation de certains minerais. Mais il y a une exploitation qui reste artisanale, mais quand même qui rapporte. Aujourd'hui, quels sont les défis dans ce secteur? Dans ce secteur d'exploitation artisanale, le premier défi, c'est que bon, il y avait des coopératives minières dont on a parlé. On a essayé d'institutionnaliser à travers l'exploitation, à travers les coopératives minières, mais les comptoirs de vente. Mais le premier défi vraiment qui a été inventé au jour même d'une étude qui a été faite très récemment, c'est la traçabilité au niveau des devises découlant de l'exportation, de cette exploitation traditionnelle. On a pu constater vraiment au niveau des recettes, le ministère des Finances, le ministère de l'Énergie, la Banque Centrale, il n'y a pas de cohérence pour maîtriser le circuit d'exportation et les rentrées des devises. Ça a été un défi qu'on veut relever parce que la Banque Centrale disait, nous, au niveau des rentrées des devises provenant de ces secteurs, il n'y a pas de... Ambassadeur, vous aurez la parole. Oui, je ne l'ai pas coupé la parole. Il se perd dans des théories. Je dis ce qui a été... Ce n'est pas une théorie, c'est la pratique. Quand on dit qu'il y a manque de cohérence entre la BRB, le ministère des Finances, le ministère de l'Énergie et Mines, ce n'est pas de la théorie. C'est une pratique découlant d'une étude déjà faite, monsieur Willy. Mais quand même, on parvient à publier les recettes qui viennent. On est en train de relever. Déjà, je dis au niveau de l'exploitation artisanale, de ces oro, boutihinda, tout ça qui se faisait. C'était une réalité. Donc, on voudrait aussi, à travers le code des mines, voir comment le moderniser, rendre beaucoup plus rentable par rapport aux axiomes liés à l'exploitation de ce secteur. Merci, ambassadeur Willy. Avant qu'on puisse réglementer, avoir des sociétés qui puissent exploiter de façon contractuelle les minerais burundais, il y a un défi au niveau de l'exploitation artisanale, savoir les recettes exactes tirées dans cette exploitation. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que c'est un défi pour le gouvernement? La gestion d'un État, c'est y compris les défis à relever. Toujours. Il y a des défis partout. Et c'est la capacité d'affronter ces défis. C'est la capacité d'affronter ces défis et de trouver des solutions à tous les problèmes qui surgissent à mi-chemin qu'on évalue aussi les résultats obtenus par rapport à la façon de les affronter et de trouver des solutions adéquates. Alors maintenant, si nous restons dans notre domaine, le domaine des minerais, vous savez, il y a plusieurs interrogations. Effectivement, nous sommes dans une phase embryonnaire. On est au début, on est dans une phase de début et de démarrage. Et les gens, c'est vrai, peuvent se poser des questions. Mais alors, quelle sera la plus-value? Bien entendu, le gouvernement est là pour tout faire afin que les intérêts nationaux soient protégés. Qu'il n'y ait pas détournement, qu'il n'y ait pas de faux contrats, qu'il n'y ait pas de petits escrocs qui s'intercalent au milieu. Il faut à tout prix que le gouvernement parvienne au fur et à mesure à trouver des solutions afin que cette manne puisse vraiment bénéficier au Burundi. Mais en attendant des contrats clairs comme les deux déjà signés pour Gakara et Mabayi, comment vous appréhendez le phénomène d'exploitation artisanale? Comme c'est vraiment difficile. Alors, quand Foster a évoqué qu'il y a une certaine incohérence au niveau des services pour déterminer exactement ce qui rapporte cette exploitation artisanale, que fait maintenant l'État par rapport à ce défi? C'est un défi, comme dans l'agriculture. Même dans l'agriculture, il y a des gens qui utilisent encore la houe, il y a d'autres qui utilisent, qui font une agriculture mécanisée. Alors, maintenant, ces défis doivent être relevés. Mais, alors, pour relever ces défis, ce n'est pas du jour au lendemain. Vous avez parlé du déficit énergétique. Je pourrais ajouter aussi, peut-être aussi, des moyens de transport de ces mines pour qu'ils puissent arriver à bon port, arriver d'abord à la mer et puis transporter. Alors tout ça, c'est des défis auxquels nous sommes confrontés. Malheureusement, nous avons connu un parcours jonché de plusieurs obstacles en parlant des crises. C'est ça les défis. Nous devons d'abord pacifier le pays, nous devons stabiliser la nation, nous devons trouver une réponse au déficit énergétique, nous devons trouver des réponses, des solutions à des problèmes de transport par chemin de fer, etc. Donc tout ça, c'est à l'étude. Et les contributions de chacun doivent être reçues. Et n'hésitez pas toujours à envoyer vos contributions. C'est à partir de ces échanges, c'est à partir du choc de ces idées que jaillira finalement la lumière. Alors, raison pour laquelle le ministre est réceptif à tout commentaire, le ministre est réceptif à toute suggestion, mais qui va dans le sens de renforcer non seulement l'arsenal juridique, mais aussi de renforcer la surveillance et la vigilance. Nous sommes vers la fin de cette émission. Tant que vous avez la parole, que faire pour que les minéraux burundais puissent contribuer au développement économique du pays? Alors, c'est ce qui d'abord est en train d'être fait. Le gouvernement a pris le devant pour protéger l'intérêt national, quel que soit le coût à payer. Toute la campagne de médisance que vous avez vue à travers certaines ONG ou les médias occidentaux qui étaient dans le sens de ternir l'image du Burundi, de mentir et de manipuler l'information, c'était pour qu'il puisse y avoir invasion. Vous avez vu que notre voisin au Congo, c'est un pays complètement déchiqueté parce qu'il y a des gens qui veulent toujours piller les ressources minières. Alors, chez nous, la première chose à faire, c'était de prendre les devants et de protéger la chose nationale, l'intérêt national. Alors, deuxièmement, c'est d'être transparent dans la gestion de cette manne qui appartient au peuple burundais. C'est troisièmement, c'est mettre sur pied tout ce qu'il faut, analyser, gérer, tout ce qu'il faut en ce qui concerne la codification pour que notre pays ne puisse pas tomber dans le piège dans lequel d'autres pays sont tombés, qui ont exploité, comme il a dit et comme tout le monde le dit, leurs minerais depuis les années des indépendances, mais qui jusqu'à aujourd'hui restent pauvres. Alors il faut à un certain moment que le Burundi puisse quitter la liste des pays pauvres et devenir un pays riche, parce que le peuple burundais a besoin de se développer. Et c'est à travers l'exploitation de ces minerais que le peuple burundais pourra enfin s'autodévelopper et parvenir à avoir une vie décente, une meilleure vie pour tout le peuple et pour l'avenir de nos enfants. Merci. Je me retourne du côté du député Simon Obizimungu. Malgré votre pessimisme, votre argumentaire, que faire pour que la richesse minière burundaise puisse contribuer effectivement au développement du pays? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut que la gestion de cette richesse soit transparente. On a tous compliqué les minéraux. C'est le vœu de l'ambassadeur. Oui, c'est le vœu de l'ambassadeur. Et si ça se passe ainsi, moi aussi je vais dire merci. Et également, ce qu'il faut dire sur cette manne, on a tous compliqué les minéraux burundais dans son patrimoine national. C'est-à-dire que tout Burundais a accès, a droit de connaître ce qui se passe ici au Burundi en ce qui concerne les minéraux. Donc vous conseillez la vulgarisation de toute information par rapport à l'exploitation minière au Burundi? De laisser toute personne ou tout individu qui veut savoir ce qui se passe dans l'exploitation des minéraux puisse trouver au moins des informations sur ça. Mmh. Et également, on a pu compliquer, nous tous nous comprenons que ces minéraux sont les nôtres. N'oubliez pas l'invitation de l'ambassadeur pour visiter le site internet. Oui, moi je peux visiter, mais mon grand frère qui se trouve là-bas, qui demain va quitter sa propriété pour que cet or soit exploité, ne peut pas aller pour voir sur le site web trouver ces informations là-bas. Heureusement que vous êtes là. Vous allez télécharger. Le petit frère est là pour télécharger, donner à son grand frère. ça devait être et ce que je peux dire également pour peut-être clore, c'est que je disais que tout Burundais voulant savoir ce qui se passe dans le secteur minier puisse être entendu. Que personne ne soit traité d'un colonisateur parce qu'il a parlé des minéraux burundais. Voilà ce que je peux dire. Merci. Je me retourne du côté de Olivier Nkurunziza cette fois-ci en tant que politicien. Comment l'État peut organiser le secteur minier pour que ça puisse apporter un développement pour tous les Burundais? D'abord, comme on l'a dit, ce qui est très essentiel, c'est la transparence dans l'exploitation de ces miniers. Parce que le minerai burundais qui regorge le sol du Burundi, ça va aider les Burundais d'aujourd'hui, même dans les années, même 50 ans à venir. Vous voyez, ce qu'il faut faire, il faut songer à la génération future. Ça va aider les Burundais. D'autre chose, il faut aussi organiser de façon efficace l'exploitation artisanale. Parce qu'au Burundi, partout là où on trouve, il y a les impacts négatifs environnementaux qui est très difficile à... Vous voyez, les minéraux ne sont pas renouvelables, ils ne se renouvellent pas. Mais l'impact environnemental, on aura besoin des terrains après mine. Alors, il faut que le Burundi soit vigilant. Exactement pour les multinationales, il faut que le Burundi, comme dans d'autres pays, exige qu'il y ait une banque qu'on doit mettre les fonds pour réhabiliter l'environnement. Parce qu'il peut y avoir des conflits entre le gouvernement et les multinationales et puis partir. Mais après, l'environnement peut être détruit. Alors, il faut qu'il y ait une banque dans laquelle, avant même de travailler, on dépose des fonds de garantie pour montrer qu'une fois l'environnement n'est pas protégé, on utilisera ces fonds. Ça, c'est très important pour la vie future de notre génération. Autre chose, il faut chaque fois éviter que les politiciens soient divisés par les ressources naturelles. Comme je l'ai dit, il ne faut pas que le minerai soit une malédiction pour le Burundi, mais plutôt que ça doit être la bénédiction pour nous, les Burundais. Ça devient malédiction au moment où c'est transnational. Passe à travers les politiciens, passe à travers les tendances politiques pour quand même tirer leur profit après avoir nous divisé. Il faut alors être toujours vigilant afin d'éviter les divisions qui proviennent de ces multinationales parce qu'ils sont très, très, très spécialisés pour corrompre les politiciens. Même dans un même parti politique, ils peuvent les diviser pour mettre main sur nos ressources. Alors, au niveau du parti Prona, ce que nous demandons, c'est l'esprit du nationalisme et de transparence pour que nos petits frères, nos enfants, mais nous aussi, nous ayons aussi un développement qui est vraiment durable dans notre pays. Je me retourne du côté de Faustin Dikoumana. Tout au début de l'émission, vous avez attiré l'attention surtout auprès de l'ambassadeur qui représente le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut surtout qui doit être fait par l'État pour que les ressources minières puissent apporter un développement pour tout le pays? D'abord, il faut que nous les Burundais sachions que ce soit une multinationale française, américaine, chinoise ou quoi, les multinationales se comportent des fois maintenant comme des charognards. Ça, c'est une réalité. Il suffit de trouver un terrain fertile à la corruption. Un pays où le terrain à la corruption est facile. Dans le passé, beaucoup de pays se disaient avec des régimes d'authenticité. Vous vous souvenez, au Congo, Mobutu, authenticité, nationalisme, Abakost, ça c'est l'authenticité. Mais c'est un drame, c'est trop, si tu analyses. Guinée, avec ses coutures qui a dit non à De Gaulle, nationalisme. Allez voir le drame guinéen au niveau du secteur minier. Donc, on a pu contacter des généraux qui ont dirigé le Nigeria. Donc, c'est un mal africain. Chez nous, c'est encore embryonnaire. Soyons vraiment conscients que si le processus n'est pas transparent pour mettre les choses dans la transparence, quand on parle des contrats, il faut même prendre cette initiative d'expliquer le contenu de ces contrats. Il ne faut pas mettre sur Internet seulement. Internet, c'est quoi? La condition est tentée de l'expliquer. Aussi, on peut prendre l'initiative d'expliquer les contrats, qu'est-ce qu'on va tirer, surveiller, faire ceci. Il y a les études d'impact gouvernemental, ces fonds de garantie, tout ça. C'est un secteur très délicat, très délicat. Beaucoup de pays s'y adonnent avec moins de prudence. Et au lieu d'avoir des résultats palpables, plutôt le pays perd au niveau des ressources et au niveau même de l'environnement. Et on constate qu'on a hypothéqué l'avenir. Alors, même si ces fonds venaient, alors il faut aussi les gérer de façon à ne pas désarticuler les structures macroéconomiques qui existent pour permettre vraiment à doper plutôt d'autres secteurs au lieu que le Burundi se tourne uniquement vers les minier, le secteur minier, parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il est encore, il représente encore 1% du PIB, 10% des recettes d'exportation, alors que ça devait être plus. Voilà, je dis merci à nos invités. C'est la fin de l'émission Mosaïque d'aujourd'hui et nous échangeons autour de la gestion des ressources minières du Burundi. Nous étions avec l'ambassadeur Willy Nyamitwe, conseiller principal à la présidence chargée de la communication. Merci pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je remercie aussi ceux qui étaient côté de moi. Merci aussi pour le brin d'humour. On n'ira pas expliquer les contrats parce que le peuple ne va pas voter au référendum les contrats. Mais voilà. Mais que... Merci beaucoup. C'est une partie d'humour. Et je vous remercie et invitez-moi même la fois prochaine. Je vous remercie. Je remercie également Simon Vizimungu, député élu au sein de la coalition Amizero Yabarundi. Merci pour avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Merci à vous aussi. Je vous remercie. Moi aussi de m'avoir invité. Merci également à Faustin Dikoumana, représentant légal de Parole et Action pour le Réveil des Consciences et Changement des Mentalités, PARSEM. Merci pour avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Merci de nous avoir invités. Merci également à Olivier Nkurunziza, secrétaire général du parti PRONA, porte-parole de ce parti, géologue de formation et ancien employé d'une société minière établie au Burundi. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Pacifique Chubahiro était à l'animation de Mosaïque d'aujourd'hui. Jérôme Lionzima assurait la réalisation. À la technique, c'était Séraphine Hakizimana. À vous tous qui étiez à l'écoute de l'émission Mosaïque, nous vous souhaitons de poursuivre l'écoute des émissions de la radio Isanganiro. Mosaïque.